Moi le Nord reprend le trône à West Coast. Au fond du bloc c'est soumis, ils voudraient qu'on reste pauvre. Les Yankees font la file, c'est de la veuve, pas de ristourne. Lâche à l'enfant, mais faut pas que ta veste tourne. C'est ma street, c'est ma bise, mon économie. J'lève le I, j'fais des feux sur mes ennemis. Malta général, oh la zombie. C'est peut-être chaud, c'est ma cabane, ou Rasumi. Ça vient du Zeng, fume la gueule d'Adam sur le macadam. Garde tête, j'marche sur son cadavre. Vois le sang de ta femme, je les baisse en mode polygame. J'ai des jolies armes et des jolies femmes. Bref, ça tire sa vague et sa craque. Tu commences à faire chaud, ta vie crame sur crème. Show, l'équipe vient de swap, ça mitraille comme à la télé. Affranchis ses dettes, bro. Mais c'est quoi le délire? Mais c'est quoi le délire? Un calibre, deux calibres, et je suis mort de rire. Mais c'est quoi le délire? Mais c'est quoi le délire? Un calibre, deux calibres, et je suis mort de rire. 3 ici, que des grosses équipes. Mais rebeux, ça vend la résine, le bigot grisé. Belle ma peau, j'ai la peau rigide. Dis-moi grosse équipe, j'ai un pote, du merde au petit. Du merde au petit. Comment ça fait? Show, ça bicrave sur crème. Show, l'équipe vient de swap, ça mitraille comme à la télé. Affranchis ses têtes, bro. Mais c'est quoi le délire? Mais c'est quoi le délire? Un calibre, deux calibres, et je suis mort de rire. Mais c'est quoi le délire? Mais c'est quoi le délire? Un calibre, deux calibres, et je suis mort de rire. Ça bicrave sur crème, show. L'équipe vient de swap, ça mitraille comme à la télé. Affranchis ses dettes, bro.